retour à Futur Simple sur les ondes de CKRL 89.1, Valérie Levé au microphone. Et pour cette deuxième partie d'émission, je vous propose de partir en croisière au large des exoplanètes. On en connaît maintenant quelques milliers, alors où en sommes-nous de nos connaissances sur les exoplanètes? On va faire le point avec Jean-René Roy, astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université Laval. Bonjour Jean-René. Bon début de soirée, Valérie. Alors Jean-René, peut-être qu'on va commencer par une définition, c'est quoi les exoplanètes par rapport aux planètes tout court? Et un petit historique, depuis quand est-ce qu'on découvre, quand est-ce qu'on a découvert la première exoplanète? Donc, exoplanète, en fait, c'est assez simple. C'est toute planète analogue à celle qu'on observe dans notre système solaire, incluant la Terre qu'on habite, mais qui sont en dehors du système solaire. Donc, soit autour d'autres étoiles ou flottant libre dans l'espace, qui est une découverte du début des années 2000. Pour leur historique, en fait, l'idée d'autres mondes comme ça, elle est très ancienne. On remonte aux philosophes matérialistes grecs qui ont des premiers proposé que le Soleil, notre planète, entre guillemets, sans trop comprendre comment on fonctionnait là, dynamiquement, que les étoiles étaient d'autres systèmes analogues et qu'il y avait d'autres mondes comme ça, multiples. Donc, l'école de Pythagore en particulier, vers 500 ans avant Jésus-Christ, avait émis l'hypothèse. L'idée revient de temps en temps, spéculative. Giordano Bruno, qui était un moine philosophe du 16e siècle, a émis cette hypothèse et même l'a promue avec beaucoup d'énergie, ce qui lui a attiré les foudres de l'Église. Et c'est une des raisons pour lesquelles on l'a immolé publiquement à Rome en 1600. Donc, ça pouvait être une idée dangereuse à promouvoir. Mais tout demeure un peu dans l'ombre parce que scientifiquement, le grand problème qu'on a, c'est de pouvoir vérifier leur existence, pouvoir prouver qu'il y a des planètes autour des autres étoiles, comme on en observe autour du Soleil. Et donc finalement, quand est-ce que c'est arrivé? Parce que là, ça demandait des moyens techniques quand même pour observer Oui. ces exoplanètes, d'autant plus que les planètes, ça brille pas en tant que soi, puis on imagine qu'elles sont extrêmement loin. Exactement. Donc, en fait, l'idée qu'on pouvait observer des planètes et par une technique qui est maintenant très utilisée, a été mise de l'avant par un astronome d'origine néerlandaise, mais qui travaillait aux États-Unis, Peter Van de Kamp, dans les années 60. Et son idée était que s'il y a une planète massive comme Jupiter autour d'une autre étoile, comme le Soleil, la théorie de Newton nous dit que autant l'étoile attire gravitationnellement la planète, donc l'attire vers elle, ce qui fait qu'elle a un mouvement de révolution, mais en même temps, la planète de masse plus faible attire aussi l'étoile. Donc, en tournant autour de l'étoile, une grosse planète devrait introduire un petit mouvement qu'on verrait comme une oscillation vers nous et s'éloignant de nous périodiquement en harmonie avec l'orbite de la planète autour du Soleil. Donc, il a même prétendu proposer qu'il avait découvert une planète autour d'une étoile qu'il avait observée systématiquement par la technique de la spectroscopie qui nous permet de mesurer ce va-et-vient de vitesse. C'est une technique qu'on appelle vélocimétrie. Et cette technique est très importante à l'heure actuelle, sauf que dans le cas de Peter Van der Kamp, c'était finalement un faux signal. C'était quelque chose qui s'est révélé impossible à confirmer. Et d'ailleurs, il n'avait pas la précision dans son système télescopique et de spectrographe suffisante. L'effort a été repris d'autre part par Gordon Walker, un astrophysicien canadien avec ses collègues, entre autres Bruce Campbell, dans les années 80-90 au télescope Canada-France-Hawaï. Et ils ont observé quelques étoiles et ils ont été juste sur le bord d'atteindre la précision requise. Et d'ailleurs, il y avait un système pour lequel ils pensaient avoir détecté une planète, et en effet, ça a été confirmé comme tel. Mais la première découverte sûre et affirmée, c'est celle des astronomes suisses Michel Mayor et Didier Queloz, de la fameuse planète autour de l'étoile 51 de Pégase, Pégase étant la constellation, en 1995. Donc, on pourrait dire que c'est le départ Ouais. de l'exploration avec cette découverte. D'ailleurs, Mayor et Queloz ont obtenu le prix Nobel de physique en 2019 pour cette découverte qui a ouvert tout un champ. Ouais, je me souviens qu'on en avait parlé, effectivement. Et là, donc, Michel Mayor et Didier Queloz, est-ce qu'ils ont utilisé cette même technique de vélocimétrie ou c'est une Oui, autre technique? exactement. C'est la technique qu'ils ont utilisée, qu'ils continuent à employer d'ailleurs, avec leur équipe. Et c'est une technique qui demande beaucoup de patience parce que vous n'observez pas le signal ou une étoile pour voir si elle vient vers vous ou elle s'éloigne de vous juste durant une nuit. Vous devez le faire pendant des années. Puis il faut Donc, peut-être avoir une idée que peut-être cette étoile-là abrite oui. une planète, parce qu'on ne va pas commencer à observer les millions de planètes pour voir s'il y a une différence comme ça dans sa vitesse. Exactement. Donc, ça a été un peu aller pêcher sans savoir s'il y avait du poisson au début. Ouais. Donc, on s'est essayé d'abord des étoiles relativement proches du Soleil parce qu'elles sont brillantes. Donc, c'était des étoiles à peu près de la masse, un peu quelquefois la masse du Soleil. Et ce qu'on suspectait, c'est qu'on allait observer, possiblement, ces étoiles-là, un signal suffisant si on avait une planète de quelquefois la masse de Jupiter. Donc, le mouvement, en fait, que l'étoile a vers nous, selon, assez loin, est de quelques mètres par seconde. Ah, c'est pas beaucoup pour détecter La les distance, différentes la vitesse vitesses. de marche, votre vitesse de marche. Ouais, et on est capable de détecter cette différence de vitesse à des millions de kilomètres. Oui, donc c'est en mesurant la lumière, la position des raies spectrales. On voit, c'est comme si la fréquence de l'émission que vous captez à votre radio et tout change légèrement. Donc, vous savez, quand ça change légèrement, oups, vous entendez moins bien le son. Aujourd'hui, avec les systèmes numériques, on n'a pas le problème qu'on avait en synchronisant au bouton. Mais à l'heure actuelle, c'est un peu ce genre de changement de fréquence qu'on observe. La technique est appliquée maintenant par plusieurs observatoires qui ont développé des spectrographes qui sont stabilisés. On les maintient dans une chambre à température constante. Personne ne voit à l'intérieur d'où. Donc, tout est en fait à distance, entre guillemets. Et on utilise souvent des télescopes de la classe, des télescopes qui ont des miroirs d'à peu près 4 mètres de diamètre. Donc, c'est la technique qui permet de découvrir une certaine variété de systèmes. Une autre technique qui est apparue assez récente et un peu surprenante, c'est celle qui observe le passage de planètes devant une étoile. Et dans ce cas-ci, on a affaire à un système planétaire dont le plan des planètes, comme dans celle à peu près dans le même plan autour de l'étoile. Et ce plan-là est orienté exactement le long de la ligne de visée entre nous et l'étoile. Donc, régulièrement, les planètes vont passer devant l'étoile. Qu'est-ce qui se passe? Une éclipse. Ça fait une toute petite, la quantité de lumière de l'étoile est bloquée pendant le passage de quelques heures de la planète devant l'étoile. Donc, on parle de passage, tout comme ici, on observe le passage de Vénus devant le Soleil, les périodes de tous les 150 ans à peu près. Donc, ça crée une chute de la brillance de l'étoile de 1% ou d'une fraction de pourcent. Donc, ça demande des observations à répétition. Donc, on les fait soit dans l'espace, il y a des télescopes spécialisés. Il y a quelques années, il y a eu la mission Kepler, qui a fixé un champ d'étoiles de plusieurs centaines de milliers d'étoiles et on prenait des pauses continuellement. Il faut les prendre assez rapidement parce que le passage se fait à peu près entre quelques heures à une douzaine d'heures. Donc, cette petite occultation qui fait la chute dans la brillance de l'étoile. Donc, si on regarde 200 000 étoiles tout d'un coup, en même temps, il y en a quelques-unes par statistique qui vont avoir le plan orbital de leur planète dans la même ligne de visée. Et ça a amené une explosion du nombre de planètes. D'ailleurs, on connaît à peu près 5100 exoplanètes de confirmées et la majorité sont dues à cette technique. Elle favorise plutôt les planètes proches de l'étoile parce qu'elles passent fréquemment. Donc, on a découvert beaucoup de choses intéressantes avec cette technique. Et l'autre avantage aussi, c'est que quand on sait qu'une étoile a possiblement des planètes comme ça, on a donc même les petits télescopes au sol, même des amateurs peuvent s'y mettre avec le petit télescope, Oui. et suivre ces étoiles et continuer à faire le suivi. Ah oui, c'est intéressant ça. Et donc, il y a une autre technique aussi pour détecter les planètes, c'est en utilisant les infrarouges. Oui, donc l'autre technique qui a été mise au point, en fait, j'en suis très fier, au télescope Gemini, c'est l'imagerie dans l'infrarouge, parce que les planètes, si elles n'émettent que très, très peu de lumière, souvent, les grosses planètes comme Jupiter et tout, il y en a des très jeunes et elles sont brillantes, elles sont lumineuses dans l'infrarouge. Donc, on peut les voir plus facilement en contraste de leur étoile. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on masque l'étoile, donc on couvre, et on pose des images, en fait, avec un grand télescope qui est muni d'un système de correction pour finalement compenser pour la turbulence atmosphérique. Et on a des images de la qualité de celles qu'on obtient en orbite avec un grand télescope de 8 mètres comme Gemini. Et c'est comme ça qu'on a mis en évidence par imagerie. On les voit carrément, les étoiles, on prend des images. Et même si on le fait sur des périodes assez longues, on peut voir qu'elles tournent autour de leur étoile, ce qui a été le cas de systèmes qu'on continue à observer. Donc, ce sont les trois techniques principales, mais au total, il y a une douzaine de techniques qui sont beaucoup plus complexes qu'on utilise pour mettre en évidence des planètes autour d'étoiles. Et ce que je dois signaler, c'est qu'on observe qu'une zone de quelques centaines d'années-lumière autour de nous. Donc, on observe un tout petit volume autour de nous. Donc, on trouve néanmoins des choses intéressantes. Ben justement, donc là, vous disiez, Jean-René, on a maintenant un catalogue de un peu plus de 5000 exoplanètes. Donc, ça ressemble à quoi, ces exoplanètes? Est-ce que ça ressemble à ce qu'on a dans notre système solaire ou c'est des trucs complètement différents auxquels on n'aurait jamais pensé? Donc, on a en fait, pour la physique des corps qu'on observe, c'est équivalent à Jupiter ou beaucoup plus massif que Jupiter. Après, on observe des trucs qui sont 7 à 8 fois plus massifs que Jupiter, donc de grosses planètes gazeuses. On trouve un assez grand nombre d'équivalents à Neptune et Uranus. Donc, j'appelle les planètes liquides en quelque sorte et aussi gazeuses. Enfin, il faut faire attention parce qu'il y a un effet de sélection. Parce que les grosses, comme vous pouvez l'imaginer, vu que leur champ de gravité est plus fort par leur masse plus grande, vont produire un signal plus fort en vélosymétrie. Donc, on va avoir tendance à les observer préférentiellement. En imagerie, ce sera la même chose. On a tendance à observer des grosses Jupiters chaudes, jeunes et aussi un peu éloignées de leur étoile. Donc, en vélosymétrie et en technique d'occultation, celle du plan, on a tendance à trouver préférentiellement jusqu'ici les planètes qui passent, qui tournent, qui sont très proches de leur étoile, donc qui tournent rapidement, donc elles passent souvent devant l'étoile. Et dans ce cas-ci, ça a mené à la découverte, en fait, peut-être la plus surprenante, de présence de planètes très, très proches de leur étoile. Nous, on a Mercure, la plus proche du Soleil, qui fait un tour en 88 jours. Là, je n'ai plus le chiffre exact. Mais on observe des planètes qui font le tour de leur étoile en 3 jours. Ah ouais. Donc, on a un peu ce qu'on observe, l'échantillon qu'on observe n'est peut-être pas représentatif de toute la variabilité de planètes qui pourraient exister. Absolument. On a toutes sortes de configurations et c'est jusqu'à un certain point une surprise, mais en ayant un seul système, c'était difficile d'extrapoler sur une grande variété. Donc, je dirais qu'il y a des surprises, mais je dirais pas que c'est inattendu qu'il y ait tant de variations dans les systèmes d'exoplanètes qu'on observe. Des choses intéressantes, vous savez pas trop, on observe aussi des planètes qui appartiennent à des systèmes d'étoiles binaires. Oui. Là où les planètes tournent autour d'une étoile, ou si les deux étoiles sont assez collées l'une des autres, là où les planètes tournent autour des deux étoiles. Ce qui fait des orbites planétaires assez complexes. Ouais. Ce jeu ce balai en ayant deux étoiles dans le système. Donc, on observe, pour revenir à la nature, on observe des planètes, comme je disais, de type gazeux, liquide, Jupiter, Neptune, Uranus, mais aussi on observe des planètes comme la Terre, des planètes rocheuses, et de plus en plus avec les techniques qu'on a. Souvent proches, il y a quelques planètes qui seraient à des distances de leur étoile qu'on peut appeler favorables à maintenir une température autour du point de congélation ou légèrement au-dessus, de sorte que on pourrait suspecter une eau liquide dans ces systèmes-là. Donc, c'est toute la... Maintenant, comme on l'a déjà mentionné, Valérie, peut-être le plus inattendu, c'est la présence d'orbites curieuses, entre autres de très grosses planètes comme Jupiter, qui orbitent très proche de leur étoile. Ce sont des grosses gazeuses, sont à des températures de centaines de degrés, de milliers de degrés Kelvin. Donc, ça, c'est un peu une surprise et inattendue. L'autre, c'est la découverte de planètes qui sont sur des orbites extrêmement allongées, comme les orbites des comètes dans le système solaire. Donc, elles s'approchent jusqu'à peu près à la distance de la Terre. Et dans leur point le plus éloigné, à leur apoastre, qu'on dit, leur point le plus éloigné, elles sont au-delà, par exemple, des limites de notre système solaire. Là, est-ce qu'il faut suspecter un autre corps dans ce système planétaire qui expliquerait une orbite comme ça, elliptique, un peu bizarroïde? Pour le moment, non. Ce qu'on suspecte plutôt, c'est la présence d'autres planètes massives qui sont en interaction. Et ou de passage de cette étoile proche d'une autre étoile dans une période d'il y a quelques millions d'années. Mais évidemment, en fait, les systèmes à long terme vont avoir cette tendance à se stabiliser, c'est-à-dire que les orbites vont se circulariser. Ce qui est un peu la situation du système solaire, sauf Pluton, qu'on pense qui arrive un peu de l'extérieur ou de la périphérie du système solaire. Mais qu'est-ce qu'on Une arrive à autre savoir de ces surprise. planètes? Est-ce qu'on sait si elles sont, bon, on comprend qu'il y en a qui sont, on arrive peut-être à savoir si elles sont gazeuses, peut-être de type tellurique comme la Terre, mais est-ce qu'on arrive à connaître, je ne sais pas, leur atmosphère, à savoir Oui. leur taille? Qu'est-ce qu'on arrive à connaître de ces On planètes? commence et on peut le faire, c'est très difficile. Et on le fait lorsque des planètes passent devant l'étoile. Donc, quand on sait un système passe, donc on va faire la spectroscopie de l'étoile. Quand il n'y a pas de planète qui passe devant et quand la planète passe devant. Et là, il devrait avoir, s'il y a une atmosphère autour de cette grosse planète, on peut voir une légère différence dans le signal qui est perçu, qui est reçu. Donc, c'est cette technique de différenciation spectrale qui nous permet de comparer le spectre quand il y a une planète devant au spectre quand il n'y a pas de planète devant, qui nous permet d'inférer la présence possible de certains composés dans l'atmosphère. Le télescope Webb amène la possibilité de faire la spectroscopie d'étoiles sans qu'elles soient devant l'étoile, sans que l'exoplanète soit devant l'étoile. Donc, on devrait voir des développements à ce niveau-là. Mais ça va être un champ un peu, je pense, piégé au départ, parce qu'on ne comprend pas trop ce qu'on cherche à voir. Et on a certaines idées, mais il faudra faire attention à la publication de premiers résultats, parce qu'on l'a vu jusqu'ici, il y a des auteurs qui sont allés un peu trop rapides et ont dû se rétracter très rapidement. Après coup. Donc, c'est à suivre. Webb nous va nous donner un nouvel outil, mais il est complémentaire à tout ce qu'on a fait jusqu'ici. C'est ça exactement, ces différents outils pour étudier ces objets. Là, vous avez parlé, Jean-René, des planètes, des exoplanètes qui sont autour d'une étoile, mais je me pose la question, est-ce que c'est possible une planète qui est vagabonde dans l'espace, qui se Oui. promène n'importe où? Ouais. Et d'ailleurs, c'est un projet de recherche que j'avais appuyé au début des années 2000. Oui, on trouve des planètes, des gros Jupiters, parce qu'on les observe en infrarouge. Et en fait, d'une certaine façon, quand elles ne sont pas trop loin, elles sont relativement aisées parce qu'on n'a pas l'éblouissement de l'étoile qui nous empêchent de les voir. Donc, oui, on observe à l'heure actuelle plusieurs dizaines de flotteurs libres, c'est comme ça qu'on les appelle, d'espèces de Jupiter qui sont dans l'espace. On comprend pas trop leur origine. Ils peuvent avoir été éjectés lors de la formation de planètes autour d'une étoile, mais c'est encore à déterminer. Est-ce que ces planètes-là peuvent s'être formées indépendamment d'une étoile dans un gros nuage moléculaire qui s'est formé pour produire des étoiles avec leurs planètes? Mais il pourrait y avoir aussi des indépendantes qui se sont formées sans la présence d'une étoile. Et quand le nuage s'est dissipé, elles sont parties au large. Ah ouais. Mais là, c'est intéressant ce que vous dites parce que vous parlez justement de la formation des planètes parce qu'on a tendance à imaginer, bon, les planètes sont là comme si elles avaient toujours été là, mais elles aussi, elles naissent et puis, bon, peut-être que, bon, avec l'évolution de leur étoile, peut-être qu'elles finissent par disparaître. Donc là, on observe des étoiles qui sont formées, qui sont déjà formées. Mais est-ce qu'on est capable d'observer des planètes en formation? Oui. On le fait avec le grand télescope radiométrique au nord du Chili. Qui observe dans des ondes qui privilégient l'observation des poussières et des gaz froids. Et on observe en effet des espèces de disques protoplanétaires où on voit des grumeaux s'assembler et faire en fait des embryons de planètes. On l'observe, on le modélise et il y a des observations assez spectaculaires. Si vous allez sur le site de ALMA, ALMA Observatoire, vous allez voir probablement de bons résultats de ce genre-là, de disques protoplanétaires autour d'étoiles relativement proches, jeunes étoiles évidemment. Donc là, c'est un vaste champ de recherche parce qu'à la fois, toutes ces exoplanètes, parce qu'à la fois, ça nous en apprend bon, sur cette diversité des exoplanètes, mais en même temps sur la formation des planètes. Donc, c'est un vaste champ de recherche. C'est en explosion, ce champ de recherche-là, des exoplanètes? Oui, d'autant plus, moi, c'est mon étonnement, c'est que ça n'existait pas, ce champ de recherche. Voilà. Même en l'an 2000, j'étais un peu, je me souviens, pionnier d'essayer de chercher des exoplanètes avec un système assez primitif qu'on avait, mais tout a déboulé en quelque sorte, surtout avec l'arrivée de la technique d'optique adaptative et des meilleurs détecteurs infrarouges au début des années 2000. Donc, oui, un champ extraordinaire en explosion. Il n'y avait pas de chercheurs vraiment en exoplanètes, sauf quelques individus comme Gordon Walker, Michel Mayor, etc. Et maintenant, il y a quelques milliers d'astronomes spécialisés en exoplanètes. Ouais, puis je pense qu'à Montréal, il y a quand même aussi un groupe de recherche qui travaille fortement sur ce sujet. Montréal, McGill, en effet, je dirais qu'il y a une fraction maintenant importante d'astronomes canadiens qui sont dans le domaine. Alors qu'avant, c'est un peu regardé de travers. Ah ouais. Bon, ben, sans doute que c'est un sujet qu'on va continuer de suivre et peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler dans de futures chroniques, probablement, dans de futurs entretiens. Avec grand plaisir. Alors, merci beaucoup, Jean-René, pour cette croisière au large des exoplanètes. Je rappelle que Jean-René Roy est astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université Laval. Merci, Jean-René. À la prochaine. C'est tout pour aujourd'hui, mais Futur Simple vous revient la semaine prochaine. Il sera probablement question des oies avec une petite goutte de parfum d'Halloween. Et pour le moment, je vous laisse en compagnie de Calypso Lemoine pour En aparté sur CKRL 89.1. Et c'est ma terre qui gronde, qui s'éteint au son du piano, du violon, de l'accordéon. De la musique en dedans. Il y a une lampe qui veille au-dessus de mes peines. Pour toutes mes envies, je balais à cheval. Des hanches, des mains, des yeux, des épaules et des bras. Comme une plume dans le vent et comme un feu de bois. Il y a comme un fil de fer au-dessus de la terre. Des vases remplis de mystères. doucement de la musique en dedans. Et c'est de la musique quand même les orages, des cheveux en mer dans le vent, de la pluie doucement, de la musique en dedans. De la musique en dedans.